Les chemins du vendredi. Cours particulier aujourd'hui en compagnie de Yann Blanc. Dream, that's the thing to do. Vous aimez la peinture? Ah oui, j'aime bien Goya. Ouais, c'est pas mal. Enfin, depuis Pandi Panda, elle a pas fait grand chose quand même. Bonjour Yann Blanc. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Pour ce cours particulier, donc chaque semaine, depuis quelques semaines, nous donnons la parole à un invité qui vient parler de sa pratique. La semaine dernière, la philosophe Michel Cohen-Halimi est venue se demander comment Nietzsche était devenu philosophe. La semaine précédente, le joueur et l'entraîneur de rugby Daniel Herrero nous a invités à réfléchir sur la pratique du rugby. Et ce matin, c'est du métier et de la pratique de l'historien de l'art que vous êtes, que nous allons parler avec vous. Donc, vous êtes venu avec vos livres de chevet, on verra ça tout à l'heure, avec quelques tableaux aussi qu'on va décrire et analyser ensemble. D'abord, comment définissez-vous votre métier historien de l'art? Est-ce que c'est une déclinaison du métier d'historien ou du métier d'artiste? Alors, je dirais que c'est quand même plus proche du métier d'historien, quoique aujourd'hui, certaines historiennes de l'art défendent aussi l'idée d'une certaine forme de liberté dans la construction de l'interprétation, et on sait à quel point la critique d'art a pu et est encore aujourd'hui une forme de genre littéraire, donc de création artistique, pensons à Diderot au XVIIIe siècle, mais cela s'est poursuivi au XIXe avec les frères Goncourt, par exemple. Donc, il y a une part de l'histoire de l'art qui est une forme artistique, une forme de création autour des objets, sur les objets. Mais l'histoire de l'art que, de mon côté, je pratique le plus souvent, c'est une histoire de l'art qui, effectivement, est une étude des œuvres d'art dans le temps. Et donc, ça n'est pas une sous-branche de l'histoire, au sens où les historiennes et historiens s'intéressent d'abord au temps, aux événements, aux faits historiques, les œuvres d'art faisant partie de ces faits qu'ils peuvent étudier, alors que pour nous, historiens et historiennes de l'art, on s'intéresse d'abord et avant tout aux œuvres d'art, un peu aux artistes, et aux liens que ces œuvres et ces artistes tissent, construisent avec leur contexte de l'époque, avec les poèmes, les philosophes, les théologiens, c'est-à-dire au fond, l'histoire de l'art est une discipline foncièrement interdisciplinaire. C'est-à-dire que c'est un croisement, quand on pratique l'histoire de l'art, on est au croisement de différentes disciplines que l'on doit étudier pour devenir historien de l'art? On peut très bien, dans le champ de l'histoire de l'art, se cantonner à une partie, à une méthode particulière. On peut être attributionniste et se consacrer à décrire les tableaux, à les identifier, à les dater. On peut s'intéresser spécifiquement à l'histoire sociale, à l'histoire économique, à l'histoire politique de l'art, à l'histoire religieuse. On peut tout à fait, et c'est souvent le cas, se spécialiser dans certains domaines. Mais il faut être conscient du fait que ces domaines existent et que l'histoire de l'art est tissée de l'ensemble des sciences humaines. Erwin Panofsky, au début du XXe siècle, parlait d'une science, d'une discipline humaniste. Et dans cette idée-là, il s'agissait de mettre l'homme au sens d'humanité, au cœur même de la réflexion autour des œuvres d'art, et donc de ce fait de pouvoir convoquer tous les outils nécessaires et utiles pour pouvoir comprendre les œuvres. Et les œuvres d'art, ce sont sans doute les objets fabriqués de la main de l'homme les plus complexes, les plus denses possibles, où peuvent se refléter ou se condenser un très grand nombre de questions et d'enjeux. Et c'est ça qui rend, je trouve, le travail et le métier de l'historien de l'art passionnant, c'est qu'à partir d'objets, à partir d'une matérialité, on peut reconstituer des pensées, des savoirs, des savoir-faire, des problèmes, des enjeux qui dépassent de loin parfois les artistes qui les ont fabriqués. L'erreur serait peut-être de faire de ce métier, enfin de n'en retenir que la dimension intellectuelle, alors que vous êtes aussi en prise avec une pratique. Vous dites une œuvre d'art, c'est sans doute ce que l'homme fabrique de plus raffiné. On est aussi du côté de la fabrique artisanale. Tout à fait. On a souvent dit, et sans doute à raison, qu'à partir de la fin du Moyen-Âge, il y a un mouvement de libération, d'émancipation de certaines formes artistiques comme la peinture, la sculpture, puis la gravure, l'architecture, de ce que l'on appelait les arts mécaniques, les arts de la main. Donc cette défense de l'idée selon laquelle dans les arts libéraux doivent apparaître des arts qu'on dit plus intellectuels, la notion de libéralité renvoyant à la notion d'esprit, de liberté de l'esprit, de liberté de penser. Mais en réalité, cette construction ne remet pas en cause fondamentalement, avant le XXe siècle, l'idée qu'une œuvre d'art est le produit d'un travail, le produit d'une fabrication. D'ailleurs, pas individuelle, souvent collective, dans le cadre des ateliers. C'est un élément qui est très important et sur lequel on travaille de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il faut sortir de ce mythe de l'artiste unique auteur d'une œuvre, mais les œuvres comme production collective d'un atelier avec un maître, mais qui dirige le travail de ses assistants, voire de ses élèves. Et donc, effectivement, on est dans un cadre où je trouve intéressant, surtout lorsqu'on travaille, ce qui est mon cas, sur le passé et non pas sur le présent, parce qu'on peut, il y a évidemment des historiens de l'art contemporain, des historiens de l'art actuel. Ce que je trouve intéressant, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est d'essayer de repenser ces pratiques. Alors, de mon côté, moi, j'utilise un terme qui peut paraître contradictoire avec cette idée de pratique, c'est le terme de théorie. On a souvent tendance à opposer théorie et pratique en se disant que les pratiques artistiques, c'est ce par quoi on va fabriquer les objets, hein, et les théories, c'est des spéculations, des pensées plus ou moins abstraites. Mais si on regarde la notion de théorie dans les textes anciens, hein, au XVIe, XVIIe siècle, on se rend compte que le mot de théorie a un sens très différent de celui qu'on imagine aujourd'hui. La théorie, c'est l'ensemble des règles grâce auxquelles une pratique se construit. Ce sont des règles, d'abord, des règles artistiques, au sens des règles pour diriger l'esprit, hein, qu'on en trouve chez Descartes. Ce sont des moyens grâce auxquels on va fabriquer une œuvre. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre théorie et pratique en ce sens. La théorie, c'est juste la formalisation intellectuelle de problèmes et de questions et de réponses que l'on va mettre en œuvre dans la pratique. Et donc, à mon sens, enfin, en tout cas, de mon point de vue en tant qu'historien de l'art, le travail de l'historien de l'art consiste, en étudiant les œuvres, à en déduire les règles sur lesquelles se fonde un artiste lorsqu'il produit une œuvre en un temps donné, et de reconstituer donc sa théorie artistique. Ce qui veut donc dire que tout artiste a une théorie artistique, y compris un artiste médiocre, y compris un artiste qui reproduit des formules, etc. Il a une théorie qui est banale, mais il a une théorie tout de même. Et l'intérêt de l'histoire de l'art, je trouve, c'est de pouvoir, à partir de l'observation des objets, observation comparée des objets, c'est très important, la comparaison, de pouvoir saisir ce qui est singulier de ce qui est banal, reconstituer finalement la pensée de l'artiste. Et donc là, on voit, par rapport à la question que vous m'avez posée, il n'y a pas d'opposition forte entre pensée et fabrication. On est face à un savoir-faire. Et dans le savoir-faire, il y a effectivement une dimension technique, manuelle, mécanique, dirait-on, au XVIIe siècle. On parle de manière, hein, pour qualifier ce qu'on appellera au XVIIIe siècle le style, donc cette idée de la main, hein, vraiment très importante, et en même temps un savoir. C'est-à-dire un ensemble de pensées, de réflexions, qui peuvent être alimentées par le métier même, la discussion avec les artistes, les collègues, dans l'atelier, dans la rue, dans la guilde, la corporation, etc., dans les académies. Mais ça peut être aussi lié à une discussion et un échange avec les commanditaires, les clients, les collègues, les savants, les poètes. Donc on est face à un univers qui fonctionne véritablement sur l'échange social, sur l'échange culturel et sur l'échange d'idées. Et donc cette étude des savoir-faire artistiques, du passé comme du présent, ça me semble véritablement un des fondements de la conception que je peux avoir de l'histoire de l'art. Se mettre à la place de l'artiste, au fond, si vous essayez d'en restituer la théorie ou la pensée, dans bien des cas, les artistes n'ont pas explicitement formulé une théorie. Dans d'autres cas, ils ont même revendiqué l'absence de théorie, le caractère absolument spontané de la créativité et de leur création. Ça veut dire que l'historien de l'art doit se substituer à l'artiste c'est délicat peut-être de lui prêter des mots et des intentions qui ne sont pas les siennes. Oui. Cette notion d'intention est problématique parce qu'effectivement, comment peut-on se mettre à la place d'un Amstelodamois du XVIIe siècle, d'une peintre florentine du XVIe siècle, d'un sculpteur madrilène du XVe? On est face ici à une forme d'altérité. Ce qui est difficile lorsqu'on travaille sur l'histoire du passé, c'est qu'il y a à la fois quelque chose qui passe toujours, il y a des choses qui restent, des monuments, des idées, des noms, des œuvres, et en même temps des choses qui ne sont plus passées. Des choses qui se sont arrêtées, des cultures qui ont disparu, des langues qui ont disparu, des savoir-faire qui ont disparu. Et donc, on est face au passé comme un ethnologue face à une tribu en Amazonie ou face à un groupe social. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose qu'il ne faut pas considérer a priori comme familier. Il faut se dire que ce groupe, ces artistes, ils parlent une langue qui n'est pas nécessairement la mienne. Donc le premier péché qu'il faut éviter, c'est l'anachronisme, ou tout du moins de projeter involontairement sur son objet des valeurs qui sont les nôtres, et pas forcément de ce groupe. Après, on peut utiliser des anachronismes contrôlés, utiliser des termes qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir mieux comprendre certaines œuvres, mais il faut se méfier effectivement de cette, supposée familiarité. Et donc, les intentions, entrer dans les intentions, c'est impossible. Ou en tout cas, ça me paraît difficile. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est étudier une œuvre, étudier les problèmes que l'œuvre a tenté de résoudre, qui peuvent être des problèmes iconographiques, des problèmes formels, des problèmes techniques, des problèmes de tous ordres. Ouais. Se poser la question de savoir quelles sont les solutions qui ont été mises en place par l'artiste et quelles sont les solutions mises en place par les autres artistes. Si bien qu'on peut établir et finalement déployer un champ de possibles au sein duquel l'artiste a fait des choix. Et donc, plutôt que de parler d'intention, je parlerai plutôt de choix. C'est donc, chaque œuvre est une solution à un problème formulé peut-être implicitement par l'artiste. Exactement, c'est ce que, en tout cas, défendait un grand historien de l'art britannico-américain qui s'appelle Michael Baxendall, qui a écrit dans les années 70-80, et qui a notamment défini l'idée selon laquelle une œuvre d'art, c'est un ensemble de réponses esthétiques, artistiques et techniques à un ensemble de problèmes. Et au fond, je trouve que c'est une belle définition. Alors, pas très poétique. Assez philosophique d'ailleurs, si c'est la dimension de solution. En philosophie, on préfère les problèmes aux solutions. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un... La question de la beauté ne l'intéresse pas à Baxendall. Ce qui l'intéresse, c'est comment les artistes résolvent des problèmes, en fait. Et en fait, concrètement, si vous fréquentez aujourd'hui un artiste, même s'il est très, il n'est pas un artiste figuratif, même s'il travaille dans un champ qui est différent, s'il fait de la performance, des installations. En fait, constamment, le travail d'un artiste, c'est de se poser des questions et de trouver des réponses. Et ces réponses peuvent être tout à fait temporaires, tout à fait éphémères. Ces réponses peuvent s'adapter à un client. Ces réponses peuvent s'adapter à un lieu. C'est-à-dire qu'on est constamment dans une pratique de ce qu'on appelle la convenance, une notion absolument centrale dans la théorie de la et dans la pensée pensée ancienne. C'est l'idée d'essayer de faire en sorte que chaque objet que l'on produit s'adapte très précisément à un lieu, à un contexte, à un client, à un commanditaire, à des attentes de ses clients, de ses commanditaires. Et l'artiste doit réussir à la fois à entendre et à identifier ses attentes, à pouvoir y répondre de la manière la plus efficace et en même temps de pouvoir le plus possible affirmer sa propre manière personnelle, être en mesure au fond aussi d'imposer un certain nombre d'éléments dans l'œuvre. Donc c'est un rapport de contractualisation finalement entre des attentes et entre une offre et une demande en réalité. Donc on ne peut pas regarder une œuvre de manière absolument autonome. Il faut toujours l'inscrire dans un réseau, dans un faisceau d'ordre social, créatif, géographique. On peut tout à fait regarder une œuvre de façon autonome. On peut même l'aimer pour de mauvaises raisons. Il y a des mauvaises raisons d'aimer une œuvre. C'est-à-dire qu'on peut l'aimer en ne respectant pas finalement le sens initial ou en émettant sur l'œuvre des formules ou des propositions qui sont historiquement fausses. Je veux dire, la préface des mots et les choses de Foucault, il fait quelques erreurs historiques qui minent les conclusions, ce qui n'empêche pas d'être un texte extraordinaire. Le texte d'Heidegger sur les souliers de Van Gogh, c'est aussi un texte qui est historique, un texte historiquement problématique, ça n'empêche pas d'être un texte fascinant. Je pense que l'enjeu, c'est pas de dire que les historiens de l'art sont les seuls à pouvoir être en mesure d'être légitimes pour parler des œuvres. Oui. Simplement, si on veut parler historiquement des œuvres, il faut parler historiquement des œuvres, c'est-à-dire les inscrire dans une temporalité, de l'inscrire dans un contexte, contexte qu'on va fabriquer, le contexte n'existe pas en soi, c'est une sélection de faits, c'est une sélection de documents, d'archives que l'on va mettre en série pour essayer de comprendre ce qui est singulier de ce qui ne l'est pas. Mais ça, ce n'est qu'une façon possible d'expliquer les œuvres. C'est l'explication historique, mais l'explication philosophique, l'explication morale, l'explication religieuse, l'explication... politiques, elles sont tout aussi valables. Et d'ailleurs, les historiens d'art ne se privent pas pour essayer aussi d'y trouver des informations, des idées pour leurs propres analyses. Et l'absence d'explication est le jugement de goût premier qui fait que face à une œuvre, on peut dire spontanément « ça me plaît » ou « ça ne me plaît pas ». L'absence totale de bagage culturel et intellectuel qui ne m'empêche pas de pouvoir apprécier une œuvre, peut-être pour des mauvaises raisons. Qu'est-ce que l'historien de l'art en fait de cela? Parce qu'on peut dire aussi que votre analyse, votre travail peut nuire à votre appréciation première de l'œuvre. Ou est-ce que c'est utopique d'opposer la réaction spontanée première et ensuite le travail intellectuel? Alors, je dirais deux choses. La première, c'est que je pense que nous n'arrivons jamais devant des œuvres sans aucun bagage. Oui. Il y a un très beau texte de Bachelard dans la formation de l'esprit scientifique où il s'adresse aux professeurs d'université et leur dit « Ne faites pas comme si vos élèves arrivent à l'université vierges de toute connaissance, ils ont l'âge de leurs préjugés. » Quand vous voyez un tableau de Rembrandt, Rembrandt vous dit quelque chose. Vous associez, je dirais presque instinctivement, mais en fait c'est culturel, c'est construit, le tableau a des valeurs, le tableau a des publicités, le tableau a des images, a des films, à ce que vous avez lu. C'est-à-dire qu'en fait, devant une œuvre d'art, on n'est jamais vierge de connaissances. On y arrive avec des connaissances. Alors, ces connaissances peuvent être exactes, historiquement, peuvent être problématiques, peuvent être fausses. À la limite, ce n'est pas très important. Effectivement, l'important, je trouve, c'est de pouvoir goûter à une œuvre, quelle qu'elle soit, contemporaine, passée, etc. Mais, il me semble, c'est le deuxième point sur lequel j'aimerais insister, je crois que le travail des historiens de l'art, c'est aussi de permettre aux personnes qui lisent l'histoire de l'art d'apprécier davantage la beauté. Parce que je ne considère pas que le jugement de goût et le jugement de connaissance soient distincts. Tout simplement parce que le jugement de connaissance, ça vous permet de renforcer votre goût. C'est ce que Kant disait au final. C'est-à-dire que le goût, ça s'éduque. C'est-à-dire que c'est aussi un système, l'apparente spontanéité d'un jugement de goût que l'on pourrait proférer devant une œuvre d'art n'est en réalité que trompeuse, dans la mesure où cette spontanéité, elle se forme aussi sur une culture. Mais je suis sûre que vous avez vous-même fait l'expérience d'œuvres d'art que vous trouvez tellement belles, alors peut-être pas de la peinture, peut-être un film ou une musique, où vous vous dites, mais c'est tellement beau que je ne supporterais pas d'y mettre des mots ou de lire quelque chose sur le sujet, tellement je veux préserver ce sentiment de beauté. C'est possible. C'est possible, parce que je pense que le jugement de connaissance, c'est un peu ce sur quoi on travaille en tant qu'historien de l'art, suppose une forme de distance, suppose d'être capable de serrer les problèmes, suppose d'être aussi de banaliser. Je pense que c'est important quand on travaille sur un objet de ne pas être amoureux de son objet. Ah oui? Sans quoi on va très vite avoir des biais. On va très vite avoir envie de défendre. La légitimité de vouloir réhabiliter ou de vouloir habiliter, de vouloir qualifier, de vouloir singulariser. Et en histoire de l'art, ça peut mener, comme en histoire d'ailleurs, à des problèmes tout simplement de, je dirais, si ce n'est d'objectivité, tout du moins de neutralité. Très souvent, en histoire de l'art, on va s'amuser à désenchanter un peu le regard qu'on peut poser sur certaines œuvres. Souligner que tel artiste, comme le Pérugin, a beaucoup produit parce qu'il gagnait beaucoup d'argent, que Rembrandt, ça a été fait par Svetlana Alpers, ça a mis en place une véritable industrie dans son atelier. Donc, on sort un peu, on démythifie un peu certains éléments. Difficile de démythifier des artistes qu'on aime vraiment passionnément. Ça veut dire, donc, si je regarde votre bibliographie, vous avez travaillé sur Rembrandt, sur Léonard de Vinci, sur Van Gogh, sur Vermeer. Ça veut dire que tous ces auteurs-là, ces peintres-là, sont des peintres que vous n'aimez pas beaucoup? Si, je les aime quasiment tous passionnément, mais je les aime plus aujourd'hui parce que je les ai étudiés. Je pense que je les aime davantage parce que je les connais mieux, ou en tout cas je crois mieux les connaître. Là encore, je pense que on peut avoir un regard simplement extérieur aux œuvres, les goûter pour elles-mêmes. Ouais. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui s'apprend aussi. Parce que de la même manière que écouter une symphonie, on la goûte davantage si on comprend comment elle est structurée, quand on reconnaît les thèmes qui reviennent, quand on reconnaît les différents traitements de la mélodie, l'orchestration, etc. C'est quand même quelque chose qui aussi suppose une certaine forme de savoir. Devant un tableau, la composition, le coloris, les références, les citations sont toute une série d'éléments qu'on aime découvrir, hein, qu'on aime reconnaître et qui suppose quand même une forme d'éducation. Mais au-delà de ça, je trouve que on peut aussi vouloir rentrer dans la fabrique de l'œuvre. Essayer de comprendre pourquoi tel choix a été fait. Au fond, avoir un peu l'impression, à la fin du travail, d'avoir accompagné l'artiste dans son atelier, d'avoir regardé ses gestes, d'avoir compris certaines des logiques qui sont en vigueur dans telle ou telle œuvre. Et ensuite, lorsqu'on revient à l'œuvre, l'œuvre, elle est, je trouve, auréolée finalement de cette expérience que l'on a faite, intellectuelle, mais aussi imaginaire. Une expérience d'une œuvre qui n'est plus simplement un tableau accroché à un mur, mais le résultat d'un travail que l'on a reconstitué. Mmh. De ce point de vue, je trouve que c'est passionnant de travailler sur les manuscrits d'écrivains également. On pourrait se dire, lisons Madame Bovary, et puis les manuscrits, finalement, ça risque de démythifier un petit peu, de démystifier le travail. Mais regardons les manuscrits, la critique génétique des textes est passionnant. On voit comment Flaubert est parvenu avec beaucoup de difficultés à son texte, les questions qu'il s'est posées. On est vraiment, c'est un plaisir démultiplié, je trouve, que d'associer au plaisir immédiat de la contemplation, un plaisir média de la connaissance. Moi, je vois pas fondamentalement de différence entre le jugement de goût, qui n'est que partiellement spontané, et le jugement de connaissance, qui doit aussi permettre de mieux aimer ses œuvres et d'en célébrer d'une certaine manière la beauté. Vous pensez que ça marche comme ça pour les histoires d'amour, qu'on aime davantage quelqu'un quand on le comprend mieux? Peut-être. Mais ça, c'est la question du temps. Ça, je pense que c'est une question de temps aussi. C'est-à-dire que là aussi, la question que vous posiez tout à l'heure, c'était la question de savoir, au fond, dans quelle temporalité on inscrit l'analyse. On inscrit le jugement de goût, c'est quelque chose qui peut être très spontané, donc dans un instant très précis, on va être accroché, son regard va être accroché par telle ou telle œuvre. C'est pour ça que je prends l'exemple de l'amour, c'est quand on voit quelqu'un, être ému par quelque chose et ensuite. C'est ça, la création d'un désir. La création d'une séduction. Jacqueline Lichtenstein, la regrettée philosophe, parlait au sujet du XVIIe siècle, faisait référence à cet amateur d'art français, Roger Depile, qui disait que les tableaux appelaient le regard, que le coloris était un phare. Donc toute cette thématique d'un tableau de la séduction. Donc cette idée qu'un tableau produit l'amour de l'art, on parle d'amateur d'art aussi, cette idée de l'amour, du désir, de la création d'un lien fort, qui est un lien qui est à la fois optique, mais aussi physique, mais aussi spatial, sociale. On parlait de conversation sur la peinture au XVIIe siècle. Cet aspect-là, il est très très important. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette conversation avec l'œuvre, elle se déploie dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a ce premier moment du premier regard, je dirais du flirt, si l'on veut. Mais il y a un approfondissement possible de cet intérêt qu'on peut avoir et qui peut, si on prend le temps de le faire, permettre de passer à un stade supérieur, je trouve. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup revenir dans des musées dans lesquels je ne suis pas allé depuis longtemps et redécouvrir le musée. Quand j'étais étudiant à Nanterre, je passais tous mes vendredis matins au Louvre. Chaque semaine, c'était différent. Il suffisait d'une lumière différente, d'avoir des pensées différentes, les œuvres se livrent différemment. Et donc je trouve que le travail de l'histoire de l'art, qui a cette dimension, je dirais, méthodologiquement sérieuse, travailler sur les archives, les corpus, les comparaisons, etc., est très importante. Et en même temps, on ne peut pas se départir dans ce travail explicatif d'un travail de compréhension. Vous parliez tout à l'heure de cette nécessité d'entrer dans la tête des artistes. C'est évidemment impossible, mais c'est quelque chose vers lequel, finalement, on ne peut pas s'empêcher d'aller dans la mesure où il faut pouvoir reconstituer des logiques à l'œuvre. Je commence directement sur la toile. J'attaque tout de suite la toile. Je fais un dessin peut-être avec la peinture, mais si je dessinais, je n'arriverais pas, les images ne sortiraient pas pour moi dans la même façon. Parce que, vous savez, le dessin est très cérébral. Pour vraiment employer le dessin, il faut avoir la notion exactement de ce qu'on va faire. Et pour moi, c'est toujours, si ça marche, c'est toujours quelque chose qui m'arrive. Je l'appelle accident. Et quand je commence à faire la peinture, j'ai une idée de quelque chose que je voudrais faire. Mais en peignant, ça change tout le temps et les images arrivent. Alors, ils m'arrivent sans savoir ce qu'ils sont. Mais si je les aime, je les garde. Si je les aime pas, je les rejette. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Bienvenue sur les chemins du vendredi. Cours particulier aujourd'hui avec l'historien de l'art Yann Blanc, qui enseigne l'histoire de l'art, qui est spécialiste de la période moderne à l'université de Genève. Vous êtes enseignant, donc je l'ai dit, là, cette fois-ci, c'est moi qui vais vous poser qui vous pose des questions aujourd'hui. Et là, est-ce que vous avez reconnu cette voix qu'on vient d'entendre, j'imagine? Francis Bacon, je pense. Francis Bacon, exactement. Une archive du 19 avril 1977. C'est du pain béni pour l'historien de l'art d'avoir un artiste qui parle de cette manière-là, de sa pratique, j'imagine. Parmi les écrits d'artistes de la période contemporaine, les entretiens avec Sylvester de Bacon sont extraordinaires. Il faudrait aussi souligner que les écrits de Picasso, qui ne sont pas très nombreux, sont aussi passionnants. Ouais. Pourquoi ils sont passionnants? Tous les écrits d'artistes ne sont pas passionnants. Hein, parce que certains écrits d'artistes sont extrêmement abstraits ou spéculatifs, peuvent nous renseigner sur la culture de l'artiste, ou plutôt sur la culture que l'artiste veut afficher, mais pas forcément et nécessairement sur ce qu'il réalise concrètement. Les écrits de Picasso, les écrits de Roscoe, les écrits de Matisse, les écrits de Bacon sont passionnants parce qu'ils parlent de la fabrique. Ils n'ont pas peur de parler du métier, des ficelles, des problèmes concrets, de la façon dont ils perçoivent les choses. Donc la façon, ils vont pas forcément expliciter, ils vont pas faire le travail de l'historien de l'art nécessairement. Certains mais décrire. Font. Décrire ce qu'ils font, voilà. Et après, c'est à l'historien de l'art ou l'historien de l'art d'essayer de repérer là-dedans des règles, des logiques. Là, ce que disait Bacon, s'il fallait rebondir là-dessus, d'abord, on voit que Bacon est un artiste lettré, un artiste cultivé, puisque la définition qu'il donne du dessin comme pratique abstraite, intellectuelle, c'est une définition qu'on trouve dès le 15e siècle dans l'Italie de la Renaissance, hein, c'est la notion de disegno, hein. Bon, c'est l'idée selon laquelle le dessin doit produire préalablement l'idée que l'on va ensuite mettre en application, coucher sur le papier pour ensuite aboutir à son œuvre. C'est l'idée de causa mentale et c'est ça la chose mentale. Voilà, on retrouve cela chez Léonard de Vinci, effectivement. Hein, le design, c'est vraiment le design. Hein, c'est-à-dire l'idée que d'ailleurs en français, jusqu'au XVIIIe siècle, on écrivait dessin avec un E. Dessin, D-E-2-S-E-I-N. Y compris lorsqu'on parlait du dessin graphique. C'est-à-dire qu'il y avait cette concaténation de la notion de dessin comme expérience mentale et du dessin comme activité graphique. Donc là, on est clairement dans cet espace. Et c'est d'ailleurs logique, hein, le dessin est un travail d'abstraction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne dans la nature. Hein. Quand vous tracez une ligne, vous tracez une frontière. Vous construisez quelque chose que vous ne voyez pas réellement. Parce que dans la nature, il n'y a que des couleurs. Hein. Il y a que des lumières qui vous apparaissent. Je vois des lignes là sur votre corps et votre visage. Si je devais vous dessiner, je reprendrais le contour de votre silhouette. Oui, mais vous transformeriez une expérience physique, optique, qui repose sur des alternances de couleurs, où le contour, en fait, si vous regardez attentivement, suivant la lumière, il va être plus ou moins flou, plus ou moins estompé, vous allez le transformer en une ligne noire. Mais la ligne noire, par exemple, elle n'existe pas. Il n'y a pas de ligne noire. Non. La ligne noire qui est une épaisseur, d'ailleurs. Ce qui va donc aboutir, chez certains artistes, à la volonté de créer un art très graphique, avec des lignes très cernées, alors que chez d'autres artistes, comme Le Corrège, comme certains tableaux de Raphaël, on a au contraire, ou Léonard de Vinci, on a cet estompage, ce sfumato. Donc, le dessin, c'est une pratique qui est une opération à partir du réel qui consiste à le décomposer d'une certaine manière et donc à le recomposer de manière abstraite. Et donc il n'y a pas de trait dans la nature, c'est la couleur qui est première. C'est la couleur, c'est la lumière, c'est l'optique en fait. Et c'est quelque chose que les artistes avaient en tête tout à fait. Léonard le dit dans son traité de peinture que effectivement fabriquer une ligne c'est un travail intellectuel. C'est-à-dire que vous allez abstraire de ce que vous voyez des formes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a, chez chacun des artistes, des manières différentes. Parce que s'il y avait une façon parfaite de restituer la nature, tous les artistes ressembleraient, ils feraient tous la même chose. C'est que chacun de ces artistes va interpréter à travers le filtre de son regard, de sa culture, de ce qui l'intéresse, la nature différemment. Au XVIIe siècle, on a reconstitué quelques séances d'atelier, séances d'académie dans l'atelier de Rembrandt. On avait un modèle qui posait, et puis on a pu retrouver des dessins qui ont été réalisés en même temps d'après ce modèle, sous différents angles. Et ce qui est très frappant, c'est que chacun de ces artistes ne voit pas la même chose. C'est le même modèle, c'est le même corps, dans la même position. Et puis vous avez certains artistes qui accentuent des contours très fluides, d'autres qui au contraire s'intéressent plutôt à la musculature, d'autres qui s'intéressent plutôt à la chair, d'autres qui s'intéressent plutôt à la position dans l'espace. Donc le dessin est une pratique qui consiste pour l'essentiel à interpréter le réel. Et l'autre aspect qui me paraît intéressant chez Bacon, c'est comment il décrit la genèse de l'œuvre. C'est le moment de la peinture. Et c'est intéressant parce qu'on voit que ce n'est pas une inspiration au sens, je dirais, religieux ou un peu naïvement romantique du terme. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui lui arrivent, c'est ce qu'il dit. Ce sont des idées, tout simplement. Des idées qui lui arrivent, des idées de forme, des idées de touche. Puis ensuite, il fait des choix. Je garde ce que j'aime et je repousse ce que je n'aime pas. Je jette ce que j'aime pas, dit-il. Voilà. Ouais. Et ça, c'est intéressant. C'est là que l'historien de l'art intervient. Il va se dire, mais voilà, je vais prendre un tableau de Bacon. Je vais le comparer, je vais voir si je peux trouver des dessins, je vais voir si je peux éventuellement, par une analyse radiographique, identifier certains repentirs. Et ça va me permettre de comprendre les choix qu'il a fait. Puis ensuite, il y a le travail de l'interprétation. C'est-à-dire, mais pourquoi a-t-il fait tel ou tel choix? Mais ça, c'est passionnant. Parce que là, d'un coup, vous conversez à nouveau avec Bacon. Là, Bacon nous parle, mais vous parlez avec Bacon lorsque vous travaillez devant son œuvre. Et c'est le travail de l'histoire de l'art que précisément de reconstituer ces logiques dans les œuvres produites que l'on peut étudier aujourd'hui. Alors, on va accentuer la difficulté. On va parler cette fois, non pas avec Bacon, dont la voix s'est adressée à nous, mais avec Rembrandt, justement, vous l'évoquiez. Et vous parliez, Yann Blanc, de rapport de séduction, un tableau de désir, voire peut-être de relation d'amour, même si celle-ci ne doit pas être trop passionnée, c'est ce que vous disiez, pour pouvoir produire un travail. Si on prend le bœuf écorché de Rembrandt, un tableau qui date de 1755, qu'on peut trouver au Louvre, où on voit, alors ce que je vais nommer avec mes mots naïfs de non-historienne de l'art, on voit un cadavre d'animal suspendu, ouvert en deux, avec des côtes, on voit de la chair sanguinolente. Il est difficile pour moi de voir l'œuvre de la séduction ou du désir à l'œuvre. C'est plutôt une forme de dégoût. Et je serais bien en peine de pouvoir en dire autre chose que cette espèce de choc initial qui consisterait à dire « Mais pourquoi est-ce qu'on me montre ce cadavre d'animal alors que je n'ai rien demandé ? Je suis dans un musée, tout d'un coup, je me retrouve face à ça. » Comment vous procédons ainsi ? Comment vous vous trouvez face à cette œuvre dans un musée ? Qu'est-ce que vous regardez en premier ? À quoi faites-vous attention ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, s'il me fallait restituer le moment premier où j'ai découvert cette œuvre au Louvre, effectivement, ce qui est impressionnant, c'est... En fait, ce qui est impressionnant, ce qui m'a impressionné devant cette œuvre, c'est pas ce qui est représenté. Parce que, en fait, ce qui est représenté, c'est relativement banal. C'est-à-dire qu'on trouve... On n'en voit pas tous les jours non plus des cadavres comme ça. Non, mais au XVIIe siècle, beaucoup plus. Parce que au XVIIe siècle, si vous vouliez manger de la viande, il fallait chez le boucher. Et si vous voulez réaliser un grand mariage, il fallait acheter une carcasse de bœuf entière pour pouvoir ensuite la désosser. Et donc, là, on se retrouve face à la problématique du discours historique. C'est-à-dire que pour nous, c'est un cadavre. Pour les hommes du 7e siècle, c'est de la nourriture. D'ailleurs, tant et si bien d'ailleurs qu'au 16e siècle, on a déjà un genre d'étal de marché, d'étal de boucher chez Peter Hartson, Joachim Beukelaar, où on trouve des têtes de bœuf, on trouve des morceaux de veau, de viande, accompagnés de légumes, de fleurs parfois, etc. Et qui sont des tableaux qui se veulent des tableaux séduisants. Parce que ce que l'on va promettre au regard de l'artiste, au regard du spectateur, pardon, mais donc aussi de ce point de vue à son goût, c'est les promesses d'un bon repas. Tout comme lorsque vous, au XVIIe siècle, vous représentez dans une nature morte des poissons bien frais, avec des écailles bien luisantes, des branchies bien rouges, l'enjeu c'est de vous dire, voilà ce qu'on va manger. Et je vous montre de la façon la plus précise possible ce que vous allez manger, donc faisant appel à la fois à un sens du regard, mais aussi un sens du goût, en créant une forme de synesthésie. Donc, ça n'est pas un sujet très original. Même si des bœufs écorchés au XVIIe siècle, il n'y en a pas tant que ça, et que c'est surtout autour de Rembrandt. Donc il n'est pas impossible qu'il ait, à partir de la tradition que j'évoquais anversoise du XVIe siècle, constitué une sorte de sous-genre, si l'on veut. Cela dit, il y en a quand même un certain nombre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que... Donc vous nous disiez, la première fois que vous avez vu ce tableau, c'est pas le sujet que vous avez regardé. Non. C'est quoi? Le cadre? C'est la matière. C'est la peinture. En fait, c'est là d'ailleurs que les illustrations ne restitue absolument pas l'effet de présence, non pas du bœuf, mais de la surface du tableau. C'est-à-dire qu'il faut voir ce tableau en vrai pour se rendre compte que ce tableau, c'est quasiment un relief. Il y a des empattements incroyables pour rendre compte de la matière, de cette carcasse, de ces organes, de ces tendons, de ces muscles rougis, etc. C'est-à-dire que c'est un travail qui est presque abstrait en un certain sens. Et on pourrait très bien faire fi de ce que représente ce tableau et de se concentrer sur la façon dont le tableau est construit. D'ailleurs, et c'est aussi un élément intéressant quand on fait l'histoire de l'art, c'est intéressant de s'intéresser à la façon dont le tableau a pu être perçu. On n'a pas, à ma connaissance, de témoignage pour le XVIIe siècle, mais en revanche, on sait que le peintre anglais Joshua Reynolds voit le tableau en 1780 dans la collection dans laquelle il se trouvait à Amsterdam à l'époque, donc chez Peter Lockett, dans mes souvenirs, et il dit « Le tableau est tellement richement coloré. » Alors, il dit juste, il désigne dans son journal de voyage, échoppe de boucher, avec une femme qui regarde, parce que il y a une figure à l'arrière-plan, et puis, point-virgule, si richement coloré qu'il fait paraître pâle tous les autres tableaux à côté. Et il a, dans une autre de ses notes, il a ajouté « It kills everything ». Ce qui est assez amusant, parce qu'évidemment, c'est la représentation d'un animal mort, mais un animal mort qui tue tout ce qui est à côté. C'est-à-dire que le tableau produit un effet tellement fort, à la fois par son sujet, évidemment, parce que c'est un tableau relativement grand, ça mesure à peu près 90 cm sur 60, c'est un assez grand tableau, pas un tableau en grandeur nature, mais quand même un tableau assez, assez présent. Donc évidemment, son sujet peut être choquant, cette carcasse ouverte. Mais c'est surtout la technique, la matière, le travail sur un clair-obscur qui semble faire totalement ressortir la matière de ce corps, et en plus, par les empattements, de créer presque l'impression d'une matière que l'on pourrait toucher, d'une sorte de rendu presque haptique, si on utilise ce terme employé au XIXe siècle. C'était vraiment jouer sur, à la fois sur le regard et le toucher. Et donc, ce peintre britannique insiste pas sur le sujet, qui lui paraît totalement anecdotique, mais en revanche, que l'effet que produit l'œuvre sur lui, mais aussi le rapport que l'œuvre entretient avec les autres œuvres. Et ça, c'est une caractéristique de Rembrandt. Il adorait produire des œuvres qui donnent l'impression que les œuvres près desquelles se trouve cette œuvre-là paraissent pâles, ternes, dans le musée, etc. Vous voulez dire? Dans les collections, puisqu'il n'y a pas de musée au XVIIe siècle, mais on sait que Rembrandt s'amusait souvent à ce que ses œuvres semblent écraser toutes les œuvres à côté, parce qu'il voulait absolument que ses œuvres brillent sortent. Plus. Oui, c'est le cas de la Ronde de Nuit, par exemple. On sait que la Ronde de Nuit, on sait exactement. Ça marche toujours au musée quand on la voit, elle écrase le reste, c'est vrai. Elle écrase le reste, mais à l'époque, c'était encore mieux, parce que elle se trouvait dans le quartier général des Clovenes d'Oulen, donc une milice amsterdamoise. On sait exactement la forme de la salle. Donc elle était sur un mur où il y avait deux autres tableaux du même genre, des portraits collectifs. C'est un portrait collectif d'une milice. Et en fait, un élève de Rembrandt avait eu l'occasion de voir l'œuvre accrochée de Rembrandt à côté des autres et disait « Mais cette œuvre donne l'impression que les autres sont des simples cartes à jouer. » Parce qu'il y a un effet de relief, de profondeur, alors que les autres portraits collectifs, effectivement, on a des figures qui sont alignées avec une isocéphalie et un sentiment un peu de platitude. Et il s'amusait en disant que contrairement au tableau de Rembrandt, on pourrait couper toutes les têtes de ces portraits d'un seul coup d'épée. C'est-à-dire que là encore, on retrouve cette idée d'un Rembrandt qui veut, c'est une des règles qu'il va suivre dans son art, dans sa carrière, il veut absolument singulariser ses œuvres, faire en sorte qu'elles sortent du lot, qu'elles se démarquent d'iconographie traditionnelle, mais aussi qu'elles puissent entrer en rivalité avec les œuvres près desquelles elle est accrochée, dans les collections particulières notamment. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et c'est probablement cet effet-là, en partie, que Rembrandt avait voulu. Je ne suis pas du tout certain qu'il s'agisse d'un memento mori ou une vanitas. Je ne suis pas du tout certain, parce que c'est quelque chose qu'on a pu dire, hein, de ce bœuf écorché, qu'il s'agissait d'une référence au Christ. Dans ce cas-là, pourquoi choisir le bœuf et pas l'agneau? Ou d'une référence au veau gras pour la parabole du fils prodigue. Mais pourquoi on prend un bœuf et pas un veau? Enfin, là, il se peut que cette analyse soit juste, mais historiquement, on n'a aucun moyen de la vérifier. En revanche, ce que l'on peut vérifier, c'est que l'œuvre est vraiment faite pour accrocher le regard du spectateur. Ce qui explique d'ailleurs la figure féminine à l'arrière-plan qui nous regarde comme par un effet de miroir, comme pour nous dire que ce tableau, il est vraiment destiné à créer un effet sur nous le plus puissant possible. C'est un tableau de boucherie, si on peut dire. Mais qu'est-ce que c'est que la boucherie? Enfin, bon, c'est un lieu limite, hein, entre toute espèce de traitement du corps, de la chair, de la vie, de la mort. Et alors, le bœuf écorché, quand on le regarde, d'abord, il est somptueux. Il est tout en pourpre et en or. Il est d'une beauté dans les coloris extraordinaires. Et puis, si on le regarde et qu'on cesse d'avoir des a priori, la carcasse s'ouvre et elle abrite dans sa poitrine un escalier. Et si on prend cet escalier, il nous mène justement au fin fond de l'être humain. Et je pense que c'est vraiment le secret même du charnel. Et aussi une sorte de déconstruction alors radicale et admirable de l'idée que nous nous faisons de la mort ou du rejet du cadavre, parce que là, il y a une entrée dans l'autre monde. La philosophe Hélène Cixous, qui décrit son tableau préféré hein, au micro d'Eva Bester dans Remède à la mélancolie sur France Inter, c'était en 2014. Yann Blanc, y a-t-il des interprétations plus fortes que d'autres, ou bien finalement que la manière qu'a un tableau d'être reçu par une subjectivité, la manière qu'a cette personne de mettre des mots dessus est de toute façon recevable? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Moi, je défends une histoire de l'art inclusive, c'est-à-dire que je trouve toujours intéressant de découvrir de nouvelles hypothèses, de nouvelles interprétations. Je ne les vois pas avec circonspection, mais plutôt a priori, avec intérêt. Et je trouve que c'est une magnifique façon de décrire ce bœuf que d'y voir une sorte de porte d'entrée vers l'au-delà. L'idée est belle, elle voit un escalier avec des côtes qui rentrent. Il y a un escalier, ah oui. Objectivement. Moi, je vois des côtes, mais je... Bon. Oui, mais ce sont des côtes qui sont construites comme des degrés. Avec qui monte vers une sorte de d'issue en partie cachée par les côtés. Effectivement, le bœuf aurait pu être peint autrement. Cet effet de bœuf de trois quarts fait qu'on a le sentiment d'une forme d'ascension et d'une sorte de géométrisation des formes. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je retiens de ce que dit Hélène Cixous, qui est vraiment magnifique, c'est que ce bœuf, il est construit, il est fabriqué. C'est pas une représentation de la réalité, c'est une représentation dans laquelle Rembrandt va tenter de mettre en forme, de structurer cet objet et de ne pas se contenter de représenter ce bœuf. Alors après, est-ce que c'est finalement dans cette image une porte ouverte, une fenêtre ouverte vers un au-delà? Ou est-ce qu'au contraire, ce serait plutôt l'interprétation que je réserverais, on est face plutôt à une forme de matérialisme. Mmh. Je pense que les deux hypothèses peuvent se valoir, devraient être étoffées naturellement, mais il me semble qu'ici, Rembrandt fait ce qu'il a fait dans d'autres œuvres, c'est-à-dire s'intéresser à des objets, des choses, qu'il va saisir en une temporalité spécifique. Parce que ce qu'il représente aussi ici, ça n'est pas un cadavre, c'est, comme je l'ai dit, quelque chose que l'on va manger. Et il le représente au moment où il est en grande partie préparé, en grande partie vidé de son sang, les organes ne sont plus là. C'est-à-dire que ce qu'il représente, c'est un mets délicieux. Il est délicieux parce qu'il n'est pas encore gâté et pourri par la corruption. Donc ici, on est dans un espace qui est à la fois un espace descriptif, puisque l'on voit cette salle dans laquelle se trouve accroché ce bœuf par les pattes, cette servante qui arrive probablement pour pouvoir ensuite commencer à désosser, en tout cas à préparer la messe, et peut-être ceux qui attendent les convives d'un mariage qui attendent dans la salle à manger. Mais c'est aussi un espace narratif. Oui, d'autant que le cadre est très étrange, on a l'impression que c'est presque comme une photographie prise sur le vif. On n'a pas l'impression qu'il y a un travail justement de cadre, hormis cette femme qui vient en arrière-plan. Tout le reste, c'est du hors-champ. Vous parlez d'une salle à manger où attendent les convives, vous l'imaginez au fond. Mm-hmm. Ce tableau nous invite à imaginer ce qu'il y a autour. Alors, on est dans une cuisine, on est dans un... Est-ce qu'on est dans un grenier? Est-ce qu'on est dans une réserve? En tout cas, on est dans un espace qui est un espace qui n'est pas un espace dans lequel on va vivre. C'est un espace où on va préparer la nourriture. Vous avez utilisé une expression qui est, je pense, absolument parfaite, c'est sur le vif. Mmh. C'est-à-dire que c'est, on appellerait cela, depuis les années 1780, une nature morte. Mais au fond, dans la mort de cet animal, il y a aussi du vif. Dans la mesure où d'abord il y a une figure qui vient s'y joindre, et puis il y a une temporalité. C'est-à-dire que ce que l'on représente, ce n'est pas la mort, à mon sens, c'est aussi la vie, dans la mesure où cet animal va servir de nourriture à des êtres vivants. En néerlandais, on appelle l'étude sur le vif « Nachtleben ». Nachtleben, Leben, c'est la vie, hein, life, Leben en allemand. Et c'est intéressant parce que dans les années 1630, on va voir apparaître aux Pays-Bas un genre qui sera plus tard qualifié de nature morte en France dans les années 1780, qu'on appelle « still leven ». Et dans « still leven », vous avez « leven » qui dit la vie, et donc pas la mort, et « still » qui dit une sorte de suspension du temps. C'est la vie que l'on va mettre en suspens, finalement. On parle aussi de vie silencieuse, mais les deux sens existent. Ce préfixe veut dire à la fois « silence », hein, silencieux, muet, quoi, mais aussi « repos », mise à distance, mise en suspens du temps. Et là, je trouve qu'il y a à la fois cet effet de fragmentation d'une scène prise à l'improviste, sur le vif, mais de ce fait, parce que c'est sur le vif, c'est aussi une narration. Comme si Rembrandt venait capturer le moment qui précède immédiatement le début de la préparation du mets. Donc, un moment qui, évidemment, ne va pas durer. Hein. Tout comme lorsqu'on représente des fleurs dans un tableau, on les représente souvent dans leur plus belle beauté, mais cette beauté va se faner. Mais le miracle de l'art, ce que l'on demande aux artistes, c'est de pouvoir, en quelque sorte, fixer dans le temps, et donc dans une forme d'éternité, des objets qui vont dépérir. Et de ce fait, ce ne sont pas des vanités. Ce ne sont pas des tableaux destinés à déplorer la vanité des biens terrestres, ce sont au contraire des tableaux qui sont destinés à célébrer la puissance de l'art, capable d'immortaliser ce qui, dans la nature, est destiné à dépérir, à faner ou à se corrompre. De ce fait, ce bœuf écorché, c'est peut-être une sorte d'anti-vanité, une façon pour Rembrandt de figer dans un instant précis cette chair qui peut paraître repoussante, mais qui est aussi la chair d'une viande dont on va se délecter. Est-ce que c'est un de vos tableaux préférés? C'est difficile, j'aurais du mal à fabriquer un panthéon personnel. Oh, quand même, non? C'est un tableau pour lequel j'ai beaucoup d'affection, puisque quand j'ai fait mes études à Paris, je le voyais très très souvent lorsque j'allais au Louvre. Et puis je me souviens, de façon anecdotique, que ce tableau avait fait partie des œuvres avec lesquelles Yann Fabre, ce grand plasticien belge, avait dialogué. Et je dois dire que c'est la comparaison entre les œuvres de Yann Fabre et de Rembrandt était quand même assez injuste. Et je pensais devant le tableau qu'effectivement, comme disait Reynolds, it kills everything. En tout cas, parmi les autres artistes qui ont été influencés par ce tableau de Rembrandt, on trouve Soutine notamment, qui propose aussi un bœuf écorché qui date de 1925, qu'on trouve aujourd'hui au musée de Grenoble. Chagall, en 1947, qui propose également un bœuf écorché, qu'on trouve au musée national d'art moderne de Paris. Alors, s'il y a une personne qui, ce que c'est un homme, n'a pas de scrupule à parler de plus beau tableau du monde, c'est Marcel Proust. Vous savez à propos de quel tableau il dit cela ? Je pense que c'est... Est-ce que c'est Proust qui parle ? Je suis pas sûr que c'est Proust qui parle, mais en tout cas, il aimait beaucoup la vue de Delft. La vue de Delft qu'on trouve dans La Recherche du Temps Perdu, donc de Vermeer, on change ici de paysage. Et puis alors, c'est intéressant, je voudrais qu'on en parle rapidement, on arrive bientôt au terme, mais de voir comment est-ce que votre regard, l'analyse que vous avez proposée de ce bœuf écorché, vous êtes vite entré d'ailleurs dans l'analyse après avoir parlé de la matière, comment est-ce que ça fonctionne quand on est face à ce tableau ? La vue de Delft, donc de Vermeer, 1659-1660, on le trouve à La Haye. Alors, je précise aux auditeurs que ces tableaux seront en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Comme ça, ils pourront les regarder pendant qu'on en parle. Face à ce tableau-là, on est dans un registre très différent. Je parlais de répulsion à l'égard de ce que m'inspirait ce bœuf écorché. La vie de Delft, au contraire, n'inspire que calme, tranquillité. On est presque même à deux doigts de l'ennui, tellement il se passe peu de choses. Est-ce là son intérêt ? Commençons par l'expérience physique, Yann Blanc, face à ce tableau, qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que vous regardez en premier ? Je devrais dire, devant ce tableau, qu'est-ce que j'ai vu en premier ? Parce que maintenant, je le vois de façon un peu différente, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce tableau. Alors, première rencontre, très bien. La première rencontre, c'est un tableau qui, au fond, est frappant quand on connaît un peu les œuvres de Vermeer, qui sont des tout petits formats. C'est un des plus grands tableaux de Vermeer. Il est à peu près la taille du bœuf écorché, sauf que c'est un format horizontal, alors que le bœuf écorché est un format vertical. C'est un très grand tableau pour Vermeer. C'est un immense tableau. Donc quand on le voit à Marie de Seuss aujourd'hui à La Haye, on est frappé par la taille du tableau. Donc ça, c'est un premier point. Et de ce fait, cette taille, évidemment, elle crée un effet d'immersion. On a l'impression d'être aspiré dans l'œuvre. C'est d'ailleurs un peu l'expérience que fait Bergotte dans La Prisonnière. C'est vraiment cette idée d'une sorte de tableau qui va l'aspirer. D'ailleurs, il parle de petits pans de mur jaune. On a pu essayer de le chercher dans l'œuvre, mais les petites teintes jaunes, c'est tout petit détail. Donc là, vous faites référence à dans La Recherche du Temps Perdu, l'écrivain Bergotte meurt en regardant ce tableau et il observe dans la vue de Delft des choses qu'il n'avait pas vues jusque-là. Il aperçoit pour la première fois des petits personnages bleus, dit-il, ainsi que ce petit pan de mur jaune. Il répète cette phrase à plusieurs reprises. Il dit « C'est ainsi que j'aurais dû écrire ce petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur jaune. » Et il voit dans ce petit pan de mur jaune l'essence même du geste artistique auquel il n'est pas parvenu. C'est ça qui est troublant. Et donc vous dites finalement le petit pan de mur jaune, on le trouve à plusieurs endroits dans ce tableau, c'est ça ? Alors d'abord, c'est probablement pas des murs mais des toits, mais à la limite, ça n'a pas d'importance. Ce que je trouve intéressant, c'est que le regard de Proust est un regard fragmenté ou fragmentaire. Ce qui va l'intéresser, c'est un tout petit détail. Alors, pourquoi il ne parle pas du ciel ? Pourquoi il ne parle pas de la façon dont le vent va rider les eaux du canal ? Donc, c'est intéressant de voir comment il sélectionne les éléments. Et en même temps, je pense que ce qu'il voit, c'est central. C'est-à-dire que le petit pan de mur jaune, c'est en fait les toits et des maisons jaunes à l'arrière-plan qui sont éclairés par le soleil. Alors que le reste de la composition est dans un contre-jour, en réalité. C'est-à-dire que ce sur quoi insiste Bergotte ici, c'est le travail, une nouvelle fois, d'une narration. C'est-à-dire qu'on voit ce ciel qui occupe les deux tiers supérieurs du tableau, ces nuages qui vont donc assombrir les premiers plans et qui vont éclairer la partie, l'arrière-plan. Et qui vont notamment éclairer la tour, cette tour d'église, la Nieuwe Kerk, qui donne presque le sentiment de dominer la composition. Et effectivement, on a le sentiment d'une sorte d'harmonie. Et ça n'est pas un hasard, parce que si, et là, c'est l'historien de l'art qui revient, si on compare cette vue de Delft avec d'autres vues de Delft de l'époque, des vues dessinées, du même point de vue, ici c'est les ports de Schiedam et de Rotterdam, les deux des ports de la ville, on constate que Vermeer a complètement refabriqué la topographie. Il a fortement agrandi les deux tours des églises, la Oude Kerk à gauche et la Nieuwe Kerk à droite. Il a régularisé les toits, pour qu'ils paraissent plus, en conformité avec une forme d'harmonie générale. Il a supprimé une partie des bateaux qui devaient sans doute se trouver sur le port au risque de boucher la vue perspective vers la ville. Donc, il y a un travail d'idéalisation. Donc, c'est sa vue de Delft. C'est ça que vous dites. C'est sa vue de Delft. C'est probablement une vue de Delft. On pense que le tableau a appartenu à Peter Klaas van Reuven, qui était son principal commanditaire, et qui est aussi delftois. Donc, il y a peut-être aussi une dimension patriotique. Donc c'est sa vue de Delft, c'est probablement une certaine forme d'idéalisation de Delft. Et ce que les historiens de l'art pensent, c'est que ça fait référence à un événement précis dans l'histoire de Delft, qui est l'explosion de la poudrière, qui avait lieu quelques années auparavant, qui avait détruit une partie de la ville, tué des centaines de gens, dont d'ailleurs le plus grand peintre de Delft de l'époque, Karel Fabritius, qui était un élève de Rembrandt. Et on pense que ce tableau est une sorte de réponse, finalement, à une situation extrêmement traumatique de cette ville, une volonté de reconstruire cette ville. Donc, on ne voit aucune trace dans ce tableau des destructions. On a, au contraire, le sentiment d'une sorte de ville paisible, presque figée dans une forme d'éternité. Vous avez dit un peu ennuyeuse, mais l'éternité, c'est un peu ennuyeux, probablement. Avec ces figures qui, au premier plan, discutent, mais qu'elles sont pas individualisées. Contrairement à ce que l'on dit, en fait, c'est très difficile de lire une heure précise sur la porte centrale. Ouais. On voit que ça indique une heure, mais est-ce que c'est une heure précise ? Je ne crois pas. Je pense que c'est simplement l'idée de la temporalité, l'idée d'un instant pris dans l'éternité, et la mise en scène de ces deux églises, dont les tours sont augmentées, renvoie très probablement à une dimension, si ce n'est religieuse, tout du moins peut-être métaphysique, c'est-à-dire vraiment cette idée d'une ville aussi qui est protégée par Dieu, ce qui explique d'ailleurs une des singularités de ce paysage urbain, un des deux paysages urbains qu'on a conservé de Vermeer, c'est la place énorme qui est accordée au ciel. Les deux tiers supérieurs sont construits autour de ces deux nuages qui vont créer un effet de perspective aérienne et qui en même temps donnent le ton finalement chromatique au tableau. Donc c'est ce tableau qui vous a donné envie d'étudier la Rolandais précisément ? Oui. C'était il y a combien de temps ? J'étais à l'époque, on appelait ça un DUG. Oui. Ça ne nous rajeunit pas, c'est-à-dire deuxième année d'études, un travail qui m'a été demandé par mon professeur. À l'époque, je voulais plutôt faire de l'art contemporain à l'époque. Et puis j'ai eu ce dossier, la vue de Delft, c'était dans un cours sur le paysage, et puis j'ai commencé à découvrir ce tableau, et puis je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut continuer, c'est passionnant. Passionnant de découvrir cette langue néerlandaise du 17e siècle, cette culture, ces tableaux, ces artistes, ces théoriciens. Puis voilà, je suis tombé là-dedans et je ne me suis plus arrêté. Et le professeur qui m'a venu ce travail a été mon directeur de thèse. Et c'est comme ça que je suis entré, disons, dans la peinture néerlandaise du 17e siècle. Donc c'est vraiment pour moi, ce tableau, il a vraiment joué un rôle important dans cet intérêt, dans ce goût que j'ai pu avoir pour cette peinture. Et on peut lire de vous aujourd'hui notamment Le siècle d'or hollandais qu'on trouve aux éditions Citadel et Masneau, un beau livre dans tous les sens du terme. Hein. C'est un livre imposant, lourd et sublime parce qu'on y trouve des reproductions justement d'images. On va terminer là-dessus. Vous disiez il faut aller au musée parce que sinon on ne voit pas la matière des tableaux. Oui, on ne peut plus aller au musée justement. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut trouver... Y a-t-il quand même un intérêt à regarder des œuvres ailleurs qu'au musée? Voilà. Bien sûr, de toute façon, les historiens de l'art ne passent pas leur vie à écrire leurs livres dans les musées. Ils rentrent chez eux, et un peu comme les peintres du 17e siècle, ils travaillent dans leur atelier. Donc, voilà, les choses sont ainsi. Il y a beaucoup de sites de musées qui sont très bien faits avec des images de très grande qualité. Donc, c'est l'occasion de découvrir ces œuvres d'une autre manière. Mais je pense que l'enjeu, c'est de pouvoir ensuite regonfler les batteries, tirer sur le ressort, et dès qu'on pourra y aller, se précipiter dans les musées pour voir les œuvres en vrai, pouvoir faire des rencontres, parce que je pense que le musée, c'est comme une librairie, c'est un espace où on va jamais trouver ce que l'on cherchait, et c'est ce qu'on aime dans un musée, c'est flâner, c'est errer, c'est découvrir des choses, c'est redécouvrir des œuvres que l'on pensait connaître. Donc voilà, en ce moment, on va se contenter des livres, on va se contenter des sites internet, celui du Rijksmuseum est magnifique, celui du Metropolitan Museum est magnifique, celui de la National Gallery of Art de Washington est magnifique. Vous trouvez des images de très grande qualité, mais ces images doivent être vraiment des manières pour vous de vous donner envie de revenir dans ces espaces où les œuvres vivent avec les spectateurs. Yann Blanc, on va se quitter avec une chanson qui est une proposition de votre part, parce que, alors, on aurait pu continuer pendant des heures à définir ce qu'est ce métier, cette pratique de l'historien de l'art. On a parlé beaucoup de peinture. L'historien de l'art peut s'intéresser aussi à la sculpture, peut s'intéresser au cinéma. La question serait de savoir si on peut parler d'historien de l'art à propos des spécialistes du cinéma. Quant à la musique, à vous de nous dire, présentez-nous la chanson que vous avez retenue avant qu'on l'entende. Est-ce qu'il y a un lien avec votre pratique d'historien de l'art? Oui, si c'est bien la chanson de Sarah Vaughan. C'est ça. Je trouve d'abord que c'est une chanteuse extraordinaire. Elle avait 33 ans à l'époque. On est en 57. On parlait des musées et du contact avec les œuvres. Bon, on est dans un club à Chicago. Ouais. Un magnifique trio, Roy Haynes à la batterie, qui est toujours vivant. Je l'ai croisé dans un club new-yorkais il y a 2 ans. Je lui ai tenu la porte des toilettes, j'étais absolument fier. Extrêmement fier. Il y a eu Jimmy Jones à la batterie, Richard Davis à la contrebasse. Un trio magnifique. Mais ce qui est extraordinaire dans cette chanson Dream, c'est tout ce qui précède la chanson. En fait, elle vient, c'est enregistré, elle connaît pas les paroles des chansons. Donc elle a des partitions, on entend d'ailleurs les feuilles des partitions. Puis elle commence, on dit Dream. Puis ensuite, elle accélère, elle dit voilà, c'est fait, j'ai fait la chanson. Elle résume la chanson en 3 secondes. On entend le public, il y a des discussions avec le public, l'intervient. Puis à ce moment-là, il y a 3 accords, un silence, ça part, et on a l'impression que c'est la perfection absolue. Et l'improvisation, c'est quand même des choses qui me fascinent le plus au monde. Dream. Dream, dream, la la la la, listen here. Something new to me, I'm telling you. I beg your pardon. What you say? Should I tell him? To watch the smoke rings rise in the air, you'll find your share of memories there. On tournez si bien avec Sarah Vaughan. On va rester encore un peu en sa compagnie, si vous le voulez bien, Yann Blanc. Pour terminer cette émission, vous êtes venu comme chacun des invités avec vos livres de chevet. Il y en a trois. Alors, je les vois. Ils sont là, en chair et en os. Ils ont été lus. Je peux en attester. Alors, quels sont-ils? Alors, évidemment, c'est une sélection non représentative, mais je me suis dit, voilà, quels sont les livres qui, en tant qu'historien de l'art, m'ont été utiles, m'ont passionné. Le premier, c'est pas un livre d'histoire de l'art. C'est la formation de l'esprit scientifique. Bachelard. Alors là, je l'ai pas à la formation, c'est l'épistémologie, le recueil des puffs, parce que j'arrive pas à retrouver mon volume. Mais Bachelard, que j'ai découvert en terminale, c'est d'abord une pensée d'une richesse extraordinaire, mais surtout, c'est un styliste incroyable. Je pense que c'est un des plus belles plumes de la philosophie française, peut-être avec Alain, qui sont aussi des... Enfin, cette clarté sur des sujets aussi complexes. Ça, c'est vraiment un modèle. Et puis, méthodologiquement, je pense que ça reste encore très, très fort. C'est encore un livre qu'on peut faire lire aux étudiants de sciences humaines et sociales sur la problématique de la construction, de la pensée contre l'opinion, etc. Donc, c'est passionnant. C'est noté. Deuxième livre. Le détail de Daniel Arras, pour une histoire rapprochée de la peinture. Je suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit dans ce livre, mais c'est une fête de l'intelligence, une fête de l'œil. C'est une érudition gaie et savoureuse. C'est plein d'hypothèses. Moi, je trouve que dans certains cas, il vaut mieux pour un historien de l'art de dire des bêtises, mais d'avoir des idées, que d'essayer de construire un discours sérieux et ennuyeux. C'est vrai pour toutes les disciplines, vous croyez pas? Oui, je pense. C'est merveilleux. Il n'y a pas de bêtises dans ce livre, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de pensées et c'est un livre d'une originalité folle. Et puis, La couleur éloquente, que j'évoquais tout à l'heure. Troisième livre, donc Jacques Lichtenstein. Voilà, une philosophe, pour moi, une des plus grandes esthéticiennes. Il y a de nombreuses reprises à ce micro, qui était votre professeur, je crois. Oui, j'ai suivi ses cours à Nanterre, c'était un régal. Elle nous manque beaucoup, mais ses livres sont avec nous et j'avoue que La couleur éloquente, je trouve qu'un exemple magnifique de ce que l'on peut faire en philosophe, non pas simplement sur la notion d'art, mais sur les œuvres. Et je pense que c'est quelque chose absolument convaincant et passionnant. Merci beaucoup Yann Blanc, merci infiniment d'être venu ce matin. Merci à vous. Nous parler de votre métier, de votre pratique d'historien de l'art. On mettra votre bibliographie en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie, ainsi que les trois livres dont vous venez de parler. Et un grand merci également à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Laure Blanqui avec Manon de la Selle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui a réalisé pour vous cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jacques Hubert. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série des Chemins autour de Frantz Fanon. On parlera du travail de Frantz Fanon en tant qu'essayiste, en tant que militant, en tant que guérisseur. On évoquera Peau noire, masque blanc, les damnés de la terre, la dimension psychiatrique. Tout un programme donc à découvrir dès lundi prochain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que celle sur Suran qu'on vous a proposée cette semaine, jusqu'à hier jeudi. Tout est disponible sur le site des Chemins de la Philosophie, mais également en podcast, en téléchargement, à travers par exemple l'application Radio France, qui est très facile d'utilisation et qui vous permet d'écouter les émissions en direct ou bien en téléchargement. Que vous dire d'autre? Rendez-vous sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. On se retrouve lundi prochain à 10h donc. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.